bien, Benoît Mortier, c'était d'abord Musage du Trésor, suivi du Passo Sartois, et actuellement la Tarentelle du Dancing. Hein. Écoute un passe-double retour de la Feria par Benoît Chabot. À suivre, on revient avec Benoît Mortier et ça s'intitule « Aubade d'oiseaux ». » Mucho et c'est Benoît Chabot. 16h20 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Attention, vous devez changer vos heures, vos pendules, pardon, changer l'heure, bien évidemment, sur vos pendules, sur vos montres, etc., etc., sur vos coucous. À 3h du matin, il sera 2h, donc vous dormirez une heure de plus si vous pouvez. À ce moment-là, il faudra prendre deux calmants ce soir. Hein. Et ceci jusqu'en 2021. C'est maintenant Émile Vacher et ses musiciens, bien sûr. Son orchestre Musette, Reine de Musette, célèbre morceau d'accordéon. Thank you. message personnel. La personne qui vient m'appeler peut me rappeler. Un petit problème de téléphone, certainement. 02 38 43 48 00. Maintenant, la vigne au vin. La vigne au vin interprétée par André Pop et son orchestre musette. Guinguette, Benoît Chabot. voici maintenant Mouillère Corrosienne de Jean Seguerel et Jacques Lemarie. Par Jean Seguerel et ses troubadours corrosiens, et chanté par Jean Roy. Bruyère corrosienne. Elle aime ses bruyères, car c'est là qu'elle a grandi, au pied des poteaux jolis. Quand la bruyère est fleurie, au flanc des monnaies, ils sont loin les soucis pour les gens de Paris. Écoute à nouveau Benoît Chabot, qui nous interprète le bal de la marine. Il Gâteau Montes, interprété ici par Jo Courtin à 16h passé de 42 minutes. Jo Courtin. Continue bien sûr l'accordéon jusqu'à 18h. 18h, vous retrouverez l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel, émission en portugais. Mon oncle, maintenant, c'est joué par Maurice Larchange et son ensemble. Voici Momo.

félicité, c'est un temps que l'on aura tant chanté, tant on nous allons fort fort. Là où, là où, là où, là où, là où, il y a les primes. Eh bien voilà, 16h passé de 54 minutes. On écoute maintenant. On écoute maintenant la valse des... Non, c'est la guinguette. C'est même pas ça. Décidément, j'ai pas de chance. On va écouter... Ben si, j'ai raison. C'est la guinguette, chantée par Annette Lajon, avec l'orchestre Paul Misraï. Non, c'est pas ça, c'est l'indicatif. Ah, j'ai pas de chance. Il y a des jours où ça va pas du tout. Hein. Eh bien, on va changer peut-être de régime, si j'ose dire. On va écouter autre chose. Autre chose. Ah, c'est pas facile quand on travaille à la main. Joyeux Canary avec deux princes et son orchestre. Maintenant, c'est le tour à l'accordéon de Louis Corchia, Rosemary Polka. Thank you. des succès de France, Michel Prouvot. Il nous invite à boire un petit coup, qu'il soit temps, au plein d'insolence, qu'on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France, sur un air d'accordéon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Bien sûr, vous l'avez reconnu, l'indicatif d'émission Cocktail coloré du lundi entre 14h et 16h. Marie, allez, on y va, petits et grands en même temps. Comme ça, c'est très bien, et maintenant, on tape dans ses mains. Chantons-les, nos succès de France, nos mélodies, nos profonds. Aux accents du Nord, de Provence. Invite à boire un petit coup, qu'il soit temps, au plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France, sur un air d'accordéon. C'est très bien, et maintenant on tape dans ses mains. Qu'il soit temps, au plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France. Et on continue notre petit medley de tout à l'heure. Ce sera maintenant La Java Bleue avec l'orchestre Musette Pierrot et c'est chanté par Faël. Il est au bal Musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la Java bleue. Les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, vos mélos au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue.

17h passé de 15 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. N'oubliez pas de changer votre montre, vos pendules, vos coucous, etc. J'en passe des meilleurs. À 3h du matin, il sera 2h. Donc vous aurez une heure de plus de sommeil, si vous arrivez à le trouver. La biche aux abois, c'est Jean-Désiré Bailly. Personne, plein de ce feu que lance ton œil noir. Ô toi que j'aime, d'amour extrême, daigne accepter ma main et mon cœur et mon cœur. En cette vie, ma douce vie, c'est de toi ce que j'attends le bonheur. Entends-tu là-bas, la biche dans les chasseur, la chasse, mais ne la tue pas, ne la tue pas. N'entends-tu pas dans le vallon le chasseur sonner du clairon? Très enchanteur, serait pour moi mille fois préférable que la folie de toutes les grandeurs. Ô toi que j'aime, d'amour extrême, daigne accepter ma main et mon cœur et mon cœur. En cette vie, ma douce amie, c'est de toi seul que j'attends le bonheur. Ni tu n'oses, je suis heureux, tes yeux m'ont répondu. Ô toi que j'aime, d'amour extrême, daigne accepter ma main et mon cœur et mon cœur. En cette vie, ma douce vie, c'est de toi seul que j'attends le bonheur. qui vous tombe dans les bras. Ça promet de s'amuser. C'est fini. Maintenant il est l'heure de rentrer. Toute la nuit, les chasseurs enchantés ont chanté. C'était la valse de l'amour interprétée ici par Harry Williams. Eh oui, un élément de l'orchestre André Bergeron, bien évidemment, et de la famille. Émile Prudhomme maintenant, et ça s'intitule « Marche de Ménilmontant ». Passé de 27 minutes, je rappelle les invités du mois de décembre. Le samedi 7 décembre, je recevrai Jean-François Bernard. Le 14 décembre, ce sera le tour de Michel Vrabel, là. Il nous vient de Seine-et-Marne. À venir, mais c'est pas fixé pour raison de santé pour l'instant. Sylvie Futrac, qui nous vient, elle, du Cher, c'est pas loin, à côté du Vierzon. Et j'aurai également Nicolas Violet, et un cinquième dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave. Je l'annoncerai quand la date sera fixée. Ah, c'est ça, voilà. C'est le groupe Les Oreilles qui saignent de Châteaudun. Thank you. écoute maintenant Jalousie, interprétée par Jackie Noguez. 17h passé de 31 minutes. C'est la dernière fois cette année que j'annonce cette heure-là, à ce moment-là. Faudra pas oublier de changer vos heures cette nuit. Moi, je me lève à 3h-10. Donc, je me recoucherai à 2h. Thank you. on vient d'écouter Tristesse, interprété par l'orchestre d'André Blot. Rendez-vous de chasse, Jean-Désiré Bailly. tous reconnu, bien sûr, l'accordéon de Pierre-André. Pour terminer cette émission. Chanter les mots qui nous délivrent, vivre, de

Ambiance terrible, ambiance allez, allez. On va péter les plombs comme en 89. Vas-y patron, envoie-nous des canons. Mais attention, rien que des bons. Nous on ne pas du tout, voyons. Tu fais pour bon, bien fait de qui vont chanter. Ce soir ambiance, allez, allez. Ce soir on fait la teuf. Ambiance terre, ambiance allez, allez. On va péter des plombs comme en 89. Vas-y patron, envoie-nous des canons. Mais attention. Eh bien voilà, c'est au son de l'accordéon de Pierre-André qu'on va se quitter pour ce soir. Et on se retrouve demain à partir de 12h30. Nouvelle heure, bien sûr. 12h30 jusqu'à 15h pour l'accordéon de nos régions. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et je laisse la place à l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel en langue portugaise. C'est pas l'équipe qui est en langue portugaise, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Par-delà l'horizon, vers ces images où l'amour est un enfant de l'été. Par-delà l'horizon, du fond des âges, conjugué au présent, le verbe est pur. Derrière la brume, regarde, il y a du soleil. Après l'hiver, la pluie vient de beau temps. Ne t'en fais pas, car c'est toujours pareil. Mais sans la pluie, rien ne pousse vraiment. Oublie l'orage, les mauvais souvenirs. Le vent ce soir a dégagé le ciel. Bonjour José. Comment tu vas? Ben écoute, je vais encore sur deux jambes. Et toi qui es dans pas dans la mécanique, mais la technique, tu pourras me ressouder un genou? Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bon, on prendra rendez-vous. Bonsoir. Mais bonjour. Attends. Oui. Mais tu veux une soudure aluminium, en ferraille pour que ça rouille, ou tu veux en inox, ou tu veux en or, tu veux en plomb, en or massif. Bon, tu fournis l'or alors. D'accord, merci. Il est gentil. Il est toujours gentil, José. Algemiro, je te salue. Salut Michel, comment ça va? Ben écoute, ça pourrait être pire. Ça pourrait, ben être, oui. Mieux, ça pourrait être mieux aussi. Hein. Ouais, bon. Alors, prépare tes affaires d'hiver, parce que jeudi, vendredi, neige mêlée à pluie. Ah bon? Ah bah, avec yop. Moins 1 degré le matin. Eh ben. Et aujourd'hui, c'était le plus chaud avec 19. Voilà, voilà. On a fait le tour. C'est l'automne, hein? Ben oui. Oui, ouais. Ben oui, mais ça change brutalement, quoi. Ouais. J'ai une histoire à vous raconter. Ah. Elle n'est pas à Trénoux, celle-là. Elle se passe sur la départementale de Trénoux à Chessy. Ah. Ah. Ah oui. Oui, oui. Ah, oui, je oui. La connais, celle-là. Ah oui, oui. C'est un camionneur qui va tranquillement sur la route dans son camion, bien évidemment. Ah oui. Et tout à coup, il distingue au loin un homme vêtu de rouge des pieds à la tête. Le camionneur s'approche rapidement et le gars ne s'écarte pas. Il fait clignoter ses phares, mais rien, le gars ne bouge pas. Alors le camionneur appuie à fond sur les freins et arrive à s'arrêter à peine un mètre du gars. Il descend du camion et l'homme en rouge lui dit « Je suis l'homosexuel rouge, aurais-tu quelque chose à manger ?» Le camionneur étonné le regarde et lui dit « Mais t'es malade ou quoi? Tu ne vois pas que j'ai failli t'écraser ?» Le camionneur remonte dans son camion et poursuit sa route. Tout à coup, il distingue de nouveau au loin José, ah oui, d'accord. Complètement vêtu de blanc, et aussi debout en plein milieu de la route. Il fait de nouveau clignoter ses phares et José ne bouge pas. Le camionneur freine de nouveau brusquement, descend du camion et l'homme en blanc lui dit « Je suis le gay en blanc, aurais-tu quelque chose à boire ?» Ah, c'est pas fini, hein. Le camionneur lui dit « Mais saleté de pédé, t'as pas vu que j'ai failli t'écraser? T'es vraiment malade ou quoi? Enlève-toi de là. » Le camionneur, une fois de plus, remonte dans son camion et poursuit sa route sur son chemin. Enfin, il arrive à Chessy, hein. Ah ouais. Quand même. Hein. Lorsqu'au loin, il distingue un autre homme, cette fois en bleu. Il fait clignoter les phares, mais rien. Il ne s'écarte pas. Il freine de nouveau comme un malade, s'arrête à 1,5 mètre du gars, descend du camion très vexé et lui dit « Ah !» Ah, j'arrive plus à lire ce que j'ai... Non. Ah, c'est tapé, hein. Alors, putain de pédé bleu de merde. Qu'est-ce que tu fais, vieux connard? Et le gars lui répond, pour commencer, donne-moi ton permis de conduire et les papiers du véhicule. Ben, oui. Oh, c'est... Hein, c'est... Ouais. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Mais tu sais qu'on risque d'avoir des ennuis avec ça. Oui, mais c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que Trénoux, c'est il y a des kilomètres, donc il faut boucher. Hein. Oui, oui. D'accord, mais bon. Bon, Michel. Oui. oui. Faut se retourner sur les... Il y a pire, hein. Sur les mots. Parce qu'on risque de se faire taper sur les mains. Ah, mais ça fait rien, j'en fous. Ah, non, parce que là, on s'excuse, mais bon. On s'excuse? Oui. Ouais. Oui. Bah, oui. Alors, tu sais qu'une excuse dans l'armée, on tue. Oui. C'est nouveau. Bon, j'en ai pas d'autre pour aujourd'hui, c'est trop long. C'est trop long? Ah, ouais, non. Bon, bah, écoute. Bon, bah, Michel. Je vais en chercher d'autres, des blondes. Voilà, des blondes. Blondes, c'est bien, les blondes. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas trouvé. Ah, bah, tu sais, des blondes, chez les Portugais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. C'est là le problème. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Faut chercher. Bon. Allez. Rentre tranquillement. Ah, bah, il fait beau, là. Il ne pleut pas et il peut rentrer tranquillement. Il n'y a pas de neige. Voilà. Il n'y a pas de neige chaude. Voilà. Bon, bah. Il n'y a pas de neige fondue non plus. Bon dimanche à toi, bon programme pour demain. Amusez-vous bien aussi. Voilà, on va essayer. Ah. Et allez. Puis, à vendredi. Non, vendredi pour toi. Non, jeudi pour toi. Jeudi, et puis et samedi. Jeudi et samedi, ça ah, samedi, ah, bah, on samedi, sera là, on sera là. C'est vendredi qui est férié, c'est pas samedi. Ah. Allez.